Tu es la plus belle sodomie que je n'ai jamais connue. Quand je te plante mon sexe d'or et d'ail dans tes fesses nues. Et l'amour aussi, et Vasco aussi, et l'amour aussi. Dans la vie, il y a deux types d'hommes, les battants et les battus. Je me sens bien au-dessus d'eux, moi je suis bien dans ton cul. Et l'amour aussi, et Vasco aussi, et l'amour aussi. Tu es la plus belle sodomie que la terre entière ait connue. Le lubrifiant coule dans tes veines quand ton sang ne circule plus.